个是叫特子局。 Écoute, tout s'achète, tout se vend, les idées et les gens. Tout s'achète, tout se vend, le vent et la dignité.